La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième jour de notre parcours dans le labyrinthe fantastique de l'écrivain américain Howard Philip Lovecraft. Un parcours entamé lundi avec François Bon qui nous a parlé de la biographie de Lovecraft, mort à 46 ans d'un cancer des intestins sans jamais avoir connu réellement le succès. Sans avoir non plus connu la Seconde Guerre mondiale, ni entendu parler des camps de concentration, lui qui n'avait pas eu besoin de cela pour considérer la réalité comme essentiellement porteuse d'horreur. Hier, nous parlions de la politique chez Lovecraft, et c'est l'une des parts sombres de cet écrivain largement raciste et antisémite. Demain, c'est sur les mythologies qu'il a créées dans ses œuvres que nous nous arrêterons, et notamment sur le fameux mythe de Cthulhu, lequel inspire encore aujourd'hui non seulement des écrivains et des scénaristes, mais aussi des activistes, des geeks, des artistes et des penseurs. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous parlons des lieux lovecraftiens et notamment dans sa vie et ses œuvres. Nous interrogerons également sa réception en France ainsi que les adaptations de ses récits au cinéma. Nous le faisons avec Gilles Ménégaldo, professeur à l'université de Poitiers, grand spécialiste de l'œuvre de Lovecraft et qui nous fait le plaisir de passer nous voir dans ce studio. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Do you know Howard Philip Lovecraft? Who did you say? Howard Philip Lovecraft. I'm sorry, I don't know him. Wait a minute, maybe. I remember when I was a kid, there was a man with that name. He died in Korea. Yeah, that's right, he died in the war. Bonjour Gilles Ménégaldo. Bonjour. Alors à vous, on ne pose plus la question « Do you know Lovecraft ?» Pas vraiment, non. Vous le connaissez depuis bien longtemps. D'où vient votre intérêt pour cet auteur-là ? En fait, c'est un de mes professeurs, mon directeur de thèse, qui m'a un peu branché sur Lovecraft parce que je m'intéressais au fantastique. J'avais découvert Poe très tôt grâce à un professeur en cinquième, en fait, qui nous avait lu une partie de Meurtre dans la rue Morgue de Poe, ce qui était assez traumatisant, mais fascinant. Donc vous ne le conseillez pas aux professeurs de cinquième ? Non, je ne dirais pas ça, non. Mais donc Lovecraft, effectivement, parce que c'est... disons qu'il c'est un créateur de monde, quelque chose qui stimule l'imaginaire, en particulier quand on est adolescent. Je crois qu'on découvre Lovecraft souvent quand on est adolescent. Et après, on le relit plus tard, avec peut-être plus de distance, peut-être plus de critique aussi. Et donc, c'est un peu au départ parce que j'ai travaillé sur le fantastique et la théorie du fantastique que je me suis intéressé à Lovecraft, parce que justement, il pose aussi un problème de l'identification générique, dans la mesure où il relève à la fois du fantastique classique, disons, voire du gothique inspiré de Poe, justement, mais aussi de l'anticipation de la science-fiction, comme certains commentateurs, effectivement, critiquent, ont tendance à réduire un petit peu la science-fiction à la littérature de type conjectural, alors qu'en fait, il est encore très tributaire, effectivement, de l'esthétique du récit fantastique, de l'écriture du récit fantastique, en tout cas. Vous dites que vous l'avez lu adolescent et que ça plaît en général aux adolescents. Qu'est-ce qui relie finalement le fantastique avec cet âge de la vie ? Je pense que c'est un moment, peut-être, on cherche à sortir un petit peu des sentiers rationnels, donc de ce qu'on apprend justement à l'école ou au lycée, etc., qu'on a besoin de s'investir dans un monde imaginaire. Maintenant, on le fait avec d'autres auteurs, peut-être, mais Lovecraft continue d'irriguer en quelque sorte la culture contemporaine, la culture populaire, à tous les sens du terme, et surtout, il est devenu intermédial, c'est-à-dire qu'il est diffusé dans les différents médias, que ce soit bien sûr la littérature, le cinéma, la télévision, les jeux vidéo. Les jeux vidéo ont eu un succès énorme, et on contribue contribué à relancer justement l'intérêt pour Lovecraft dans les années 80 avec l'appel de Cthulhu, les jeux de rôle également maintenant, mais les jeux de rôle de départ avec l'appel de Cthulhu justement, et toutes les innombrables dérivations qu'il y a eu. Enfin, il y a, je crois, actuellement encore, on sort régulièrement des ouvrages sur pour faire des jeux de rôle autour de l'appel de Cthulhu. Et il y a des illustrateurs importants qui ont aussi contribué à faire connaître Lovecraft en France, par exemple, comme Jean-Michel Nicolet, pour la collection qui était parue, où on a publié toute une série de textes fantastiques, Robert Howard, Lovecraft, Macken et bien d'autres. Et c'est Nicolet qui faisait les couvertures. Et je crois que ça a contribué aussi à faire connaître Lovecraft. En tout cas, disons qu'il y a eu un retour à l'œuvre de Lovecraft par le biais des dérivations, qu'elles soient filmiques, jeux vidéo, jeux de rôle, etc. Et du cinéma, on en parlera dans la seconde partie de cette émission. Alors Gilles Médégaldo, je le disais, ça fait bien longtemps que vous fréquentez Lovecraft. En 1977 déjà, vous écriviez un article sur Lovecraft et la ville. C'était dans les cahiers du CERLI, le Centre d'études et de recherche sur les littératures de l'imaginaire. C'est vrai que la ville, c'est un des grands thèmes, avant même de parler de Lovecraft, de la littérature fantastique. Oui, absolument. C'est un des grands thèmes de la littérature fantastique. On peut penser à Pétersbourg de Andrei Bielli, par exemple, parce que c'est un exemple de ville justement investie par le fantastique. La littérature russe, d'ailleurs, en général, Saint-Pétersbourg est souvent l'objet de textes de l'approche de ce type. Pourquoi Saint-Pétersbourg en particulier ? Peut-être parce que c'est une ville qui a été fondée relativement tardivement, qui aussi, je crois, entre deux fleuves. Hein, et donc ça peut jouer sur le rapport entre justement les bâtiments, l'architecture de la ville et puis les profondeurs, l'aquatique, etc. Bon, évidemment, Londres a fait l'objet aussi de nombreux textes fantastiques ou relevant du fantastique peu ou prou. Je pense évidemment à Stevenson, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui se déroule à Londres, dans un Londres investi par la brume, avec des maisons qui sont dans certains cas presque anthropomorphisées. Enfin, c'est le cas en tout cas de la maison du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est double en plus, puisqu'elle a une partie, disons, ouverte au public, puisque c'est un médecin, et d'autre part une partie secrète avec un laboratoire secret. Donc ce sont des éléments déjà qui vont investir. On peut penser aussi au Dracula de Bram Stoker en 1897, puisque bien sûr une partie se passe en Transylvanie, mais toute une partie du roman, notamment la deuxième partie, se passe à Londres. Et donc on voit comment le comte Dracula achète des maisons à Londres, donc agit un peu en tant que quelqu'un qui accumule des propriétés immobilières. Et petit à petit, donc, répand la terreur à Londres en s'appropriant les femmes, en particulier de ceux qui sont à la recherche de ce qu'on appelle le groupe The Quest of Light, ceux qui constituent un groupe pour lutter justement contre les ténèbres. Et donc déjà, on avait ça dans la nouvelle de Poe aussi, qui s'appelle L'Homme des Foules, où on voit, L'Homme des Foules, c'est un peu assimilé au criminel, qui hante les rues, dont on ne sait pas qui il est. Donc ça préfigure peut-être aussi ce qu'on appelle maintenant le serial killer, déjà. Parce que la ville, c'est un lieu qui fait peur, mais c'est aussi le lieu de la civilisation. Absolument. Oui. Alors c'est ça, justement, c'est à la fois le lieu de la civilisation. Effectivement, il est fascinant par toutes ces réussites architecturales, et Lovecraft évoque cette dimension merveilleuse de la ville. Mais en même temps, c'est aussi une ville qui se répand horizontalement, soit qui, au contraire, s'inscrit dans une verticalité avec des profondeurs, des espaces souterrains, des labyrinthes, des églises affectés, etc. Donc ça aussi, d'ailleurs, on le trouve des cimetières, évidemment, comme chez Bram Stoker et aussi chez Lovecraft, évidemment. Et alors chez Lovecraft et à Providence, qui est donc sa ville natale, il y a à la fois l'horizontalité de la banlieue et puis il y a ce centre-ville avec un building, un gratte-ciel qui est très célèbre, puisque c'est celui qui a été à l'origine du gratte-ciel de Superman. C'est un gratte-ciel qui ressemble en fait au gratte-ciel qu'on voit dans les Superman. Est-ce que vous êtes allé à Providence, vous? Oui, alors je suis allé à Providence au moins deux fois, et une fois en particulier pour célébrer justement l'anniversaire de la naissance de Lovecraft, donc c'était en 1990. Et donc c'est frappant effectivement la dualité de la ville de Providence, la ville haute qui est une ville ancienne, donc avec des maisons géorgiennes, des maisons en bois, en couleur, enfin très colorées, nouvelle Angleterre, très colorée, très nouvelle Angleterre effectivement. Et puis en bas la ville moderne qui s'étale effectivement. Aussi il faut noter le côté pentu, disons, des petites ruelles, etc. Tout ça qui a pu séduire Lovecraft, qui habitait dans plusieurs maisons, hein, donc dans Providence, il a changé à plusieurs reprises de domicile. Évidemment, cette dualité, elle exprime une autre forme de dualité, celle entre une certaine forme de, on va dire, de passé historique, archaïque, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire Lovecraft est un grand amateur du XVIIIe siècle, il adore la littérature du XVIIIe siècle, il fait ses S un peu à la manière des écrivains du XVIIIe, des S longs, ce qu'on appelle, et il adopte une attitude, y compris vestimentaire d'ailleurs, qui est proche du XVIIIe. En fait, il est beaucoup plus un héritier du XVIIIe en termes stylistiques, de la prose de Johnson, par exemple, que du XIXe siècle, assez curieusement. Il fait l'impasse sur le 19e presque, pour évidemment écrire aussi comme un auteur du 20e, mais en gommant en partie la modernité, comme d'ailleurs Edgar Poe. Hein. Alors Providence, c'est une ville ouvrière, une ville où il y avait des constructions navales, donc ce n'est pas une ville riche. Est-ce que c'est une ville dans laquelle on peut retrouver l'esprit de Lovecraft? Est-ce que c'est une ville qui peut aussi être un peu effrayante? Je pense qu'effectivement, on avait fait une visite du cimetière, je crois, enfin, que Lovecraft fréquentait régulièrement. Et selon les conditions atmosphériques, évidemment, sinon qu'il y a du brouillard ou pas, que ce soit le matin ou le soir, etc., ça peut créer une ambiance. Parce qu'il y a ce côté, encore une fois, étroit, des petites rues, des maisons donc qui donnent une impression de resserrement. Ce qu'on trouve d'ailleurs de certains textes de Lovecraft, comme la musique d'Eric Zahn, hein, où on découvre justement qui se passe une ville, justement à Providence. Il se base sur une ville qui n'est pas nommée et qui est censée évoquer un Paris, mais un Paris qui serait complètement fantasmé à la Poe justement. Mais justement, non, la musique d'Erizane ne se passe pas à Providence. Ça se passe dans une petite ville qui est innommée. Et c'est peut-être ça qui crée aussi un insolite dans la ville. Mais par exemple, effectivement, elle peut ressembler à Providence du fait qu'il y a cette opposition entre la ville haute et la ville basse, donc qui rappelle Providence. Donc en fait, Providence est onirique, reconstitué, retravaillé à partir de l'existence de Lovecraft, l'expérience de Lovecraft dans de la ville justement de Providence. Et puis dernier élément sur cette ville, c'est une ville qui est connue pour abriter l'université de Brown, qui est donc l'une des universités Ivy League, c'est-à-dire absolument censée être les universités les plus prestigieuses des États-Unis. Et ça, évidemment, ça ne pouvait pas ne pas intéresser Lovecraft quand il habitait lui absolument à Providence. Alors donc là, c'est compliqué. Donc, il faut savoir que Lovecraft est à la fois héritier d'un père qui était, syphilitique, et je pense que c'est des choses qui reviennent aussi. Enfin, vous en avez peut-être parlé dans la partie biographique, et qui donc qu'il reconstruit comme une sorte de créature un peu monstrueuse. Et puis le grand-père adoré qui lui a donné sa culture. Livresque, etc. Alors, pour revenir à l'université, Lovecraft n'a pas pu, justement, à cause du décès prématuré de son père et d'ailleurs aussi de sa mère, aller à l'université. Donc, il a une frustration vis-à-vis du monde universitaire qu'il reconstruit de manière, là encore, fantasmatique avec l'université de Miskatonic, qui est donc une sorte de double d'université réelle de Brown, mais avec, évidemment, une autre composante, c'est-à-dire c'est le lieu qui détient les fameux livres imaginaires, dont les Necronomicon. Voilà, c'est un endroit on peut consulter, donc on peut acquérir un savoir, pas un savoir universitaire justement, mais un savoir interdit, un savoir occulte. Providence. À l'endroit où la baie et la rivière mêlent leurs eaux harmonieusement, où s'étendent les coteaux boisés, les flèches de Providence se dressent vers les cieux antiques. Dans les sentiers étroits et sinueux qui grimpent en haut des pentes et des crêtes, on peut encore trouver la magie tranquille des jours oubliés. Le miroitement d'une imposte, le tintement d'un heurtoir, la vision fugitive d'une vieille maison de briques, ce sont les images et les sons du passé où s'attarde le souvenir. Une volée de marches à la rampe de fer, un beffroi élevé, la flèche d'un clocher pâle et délicatement ciselé, le muret d'un jardin couvert de mousse. Un cimetière caché, preuve du passage éphémère de l'homme. Un quai pourrissant où des toits en pente font le guet, dominant la mer. Une petite place et une promenade dont les murs ont contemplé plus de 15 décennies. Abrités dans un berceau de verdure, des chemins pavés et dédaignés par la foule. Des ponts de pierre enjambant des ruisseaux languides. Des maisons perchées sur la colline. Et des ruelles emplies de mystères et de rêves propices à la méditation. Les degrés escarpés d'un passage enfoui parmi les plantes où des fenêtres à petits carreaux brillent au crépuscule sur un morceau de champ laissé en contrebas par hasard. Providence, ma ville, quelles armées aériennes font encore tourner tes girouettes dorées, quel vent ténu et quel fantôme gris peuplent toujours tes antiques allées. Les carillons du soir comme jadis au-dessus de ta vallée résonnent. Et tes fondateurs sévères dans leur tombe rendent bien heureux ton sol sacré. Il n'y en a pas beaucoup des textes comme ça de Lovecraft, Gilles Menegaldo, qui célèbrent une certaine douceur. La plupart des récits de Lovecraft, au contraire, sont plutôt dans l'horreur, ce qui montre bien l'attachement qu'il avait à sa petite ville, enfin petite, 170 000 habitants. C'est assez grande, une ville moyenne. Une ville moyenne. Pour les États-Unis, oui. Et, alors qu'il a détesté aller à New York, oui. Qui pourtant aurait pu inspirer son imaginaire. Tout à fait. Alors, je voulais juste faire une remarque par rapport à la musique que vous avez utilisée pour ce texte, qui est la musique de Miklos Rosa, je pense, enfin une variation en tout cas de Providence, d'Alain René. Et donc Alain René est celui qui a utilisé Providence pour faire des plans pour sa ville multiforme en quelque sorte. Donc il y a des plans qui sont empruntés à différents films. Et René souhaitait adapter une nouvelle de Lovecraft, ce qu'il n'a pas pu faire pour des raisons diverses. Mais en tout cas, il a investi en partie l'univers lovecraftien avec Providence. Et en particulier, bien sûr, le motif de la métamorphose du vieillard qui se transforme en loup-garou, par exemple. Mais il a aussi filmé, parmi d'autres bâtiments, les maisons en bois, justement, de Providence. Et il y a de très beaux travelling dans les rues de Providence quand Dirk Bogarde roule en voiture pour aller voir sa maîtresse dans les rues de Providence. Il y a d'autres éléments aussi, lovecraftiens, évidemment. Il y a une sorte de mégalithe dans la forêt. Et ça rappelle, évidemment, certains textes de Lovecraft où on a aussi ces vestiges en quelque sorte archéologiques. Donc là aussi, c'est d'un autre aspect de la ville sur lequel je reviendrai peut-être. Alors, les villes réelles, oui. Providence, New York, mais alors, un mot peut-être sur New York. Oui, alors bien sûr, New York, c'est aussi lié à sa biographie. Il a quitté Providence pour aller épouser Sonia Green, donc une jeune femme juive qui était en fait propriétaire d'une boutique. Donc, si vous voulez, quand on parle de l'antisémitisme de Lovecraft, c'est une question très complexe. Évidemment, c'est un antisémitisme en quelque sorte culturel, ce qui correspond d'ailleurs aussi beaucoup à l'époque, à la sensibilité américaine. D'une certaine sensibilité américaine de l'époque, mais il avait des amis juifs comme Samuel Loveman et il épouse quand même une femme juive. Donc, sur le plan personnel, on peut pas dire qu'il déteste que les juifs. C'est cette culture, parce que c'est une culture qui lui paraît problématique pour un certain nombre de raisons, évidemment très contestables. Et puis ensuite, on peut noter que son racisme a évolué. Et d'ailleurs, cette évolution de son racisme, c'est-à-dire de sa haine, de sa peur, de son dégoût de l'autre, se manifeste aussi dans cette texte. Dans les montagnes hallucinées, par exemple, les monstres sont comment dirais-je, il y a une certaine hiérarchisation du monstrueux et certains monstres finalement sont plus proches de nous qu'on pourrait le penser. Donc il y a les monstres véritablement abjects au sens christévien du terme, par exemple, mais il y a aussi des monstres qui finalement peuvent être vertébrés ou invertébrés, mi-animal, mi-plante, mi-végétaux, mais en même temps, comme dit Lovecraft, poor old ones. Ces pauvres anciens, c'était quand même des hommes, hein, they were men. Autrement dit, il admet une sorte d'identité entre le moi et l'autre. Donc, évidemment, ça vient aussi de son évolution politique, puisqu'à la fin de sa vie, il est partisan du New Deal, après avoir été pro-fasciste, etc. Mais il a aussi dénoncé Hitler et Mussolini. Bon, donc, c'est compliqué. Donc, les villes réelles, Providence, New York, Boston, Salem aussi, oui. Qui est le lieu, évidemment, notamment des sorcières. Des procès de sorcières, absolument, oui, c'est pour ça, je pense. Et puis, bien sûr, Salem, ça passe aussi par la littérature de Nathaniel Hawthorne. Et donc, Lovecraft a écrit dans son essai Supernatural Horror and Literature des très belles pages sur tous ces auteurs, Hawthorne, Poe, et puis ses maîtres à écrire, comme Lord Anthony, donc, qui est justement celui qui a créé des villes imaginaires, des villes oniriques. Alors, pour revenir à New York, ce qu'il a déplu, il a beaucoup aimé New York au départ, il a aimé la skyline de Manhattan, il a aimé donc ces lignes architecturales très pures, cette verticalité, etc. Donc c'est des éléments qu'on va retrouver d'ailleurs dans ces descriptions architecturales. Il s'y connaissait très bien d'ailleurs en architecture, oui, l'architecture de la Nouvelle-Angleterre lui était extrêmement familière. Il connaît familière. Très bien l'architecture de la Nouvelle-Angleterre et ce qu'on peut dire c'est qu'il est plus proche effectivement, enfin il aime plus l'architecture géorgienne, c'est-à-dire ces maisons assez hautes avec des pignons, etc. Celles qui font peur hein, quand des même. Des toits voilà, qui font un peu peur, mais c'est pas véritablement gothique, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le donc on a tendance à confondre l'architecture le côté néo-gothique et les côtés géorgiens, c'est un peu différent, donc on en reparlera peut-être à propos du film de Corman justement. Alors ce qui lui a déplu à New York, c'est évidemment le mélange des ethnies, le mélange des races. Il n'a pas pu supporter le contact avec les immigrés de différentes générations, à partir de dernières générations, ceux qui venaient de l'Est, du Moyen-Orient. Il part des yézidis à un moment donné, ceux qui sont actuellement en proie aux persécutions de l'État islamique. Et les yézidis, pour lui, c'est une secte, c'est un culte démoniaque, ce qui évidemment pas la réalité. Donc là aussi, il fantasme complètement à partir de connaissances mythologiques qui sont d'ailleurs réels hein, sur la Grèce, sur le Moyen-Orient, etc. Et donc, il décrit dans un texte qui s'appelle Horreur à Red Hook, il décrit justement la manière dont le personnage découvre dans les bas-fonds de New York des cultes dégénérés et dans un autre texte, le modèle de Pickman, où dans le métro de New York se trouvent des créatures qu'on peut effectivement en quelque sorte capturer grâce à la photographie d'abord, puis la peinture ensuite. Et donc ce rapport entre la représentation et la réalité de l'être est très important aussi. Mais alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a trois grandes villes imaginées par Lovecraft, imaginées assez précisément. Elles sont dotées d'universités, comme à Arkham notamment. Donc ces villes, ce sont Dunwich, Kingsport, Arkham, et puis bon, il y en a d'autres. Innsmouth. Ouais. Également. Oui. Là, quelle est la projection de Lovecraft dans ces villes-là, et finalement, pourquoi créer de nouvelles villes alors qu'il aurait pu, comme il l'a fait d'ailleurs dans d'autres récits, tout simplement utiliser soit Providence, soit Boston pour des récits fantastiques. Ouais, je crois que c'est le fait, le privilège de l'écrivain justement d'inventer des noms, d'inventer de faire la part entre sa propre biographie et puis son monde imaginaire. Donc Arkham lui permet d'investir sa Providence natale de valeurs autres, de signes autres, et donc d'en faire une ville justement fantastique au sens large du terme, c'est-à-dire une ville où se passent des choses étranges qui créent un sentiment de terreur ou de peur, mais aussi de fascination. C'est justement la fascination de l'inconnu, la fascination de ce qu'il ne connaît pas. Autrement dit, il fait de quelque chose de très familier quelque chose de non familier, en l'investissant par des signes nouveaux. Et c'est aussi l'histoire de ces villes, parce qu'il y a un aspect presque archéologique dans la manière dont il les décrit. Absolument. Mais c'est, par exemple, c'est le cas de l'étrange cas de Charles Dexter Ward, qui est son seul roman, de taille romanesque. On a tout un flashback qui fait une centaine de pages, on a un flashback qui nous ramène au XVIIIe siècle, les gens qui décrit la ville de Providence telle qu'elle a pu être au XVIIIe siècle. Et donc l'évolution est pour Lovecraft une sorte de décadence de la ville quand on arrive dans la modernité. Il y a toujours cette idée de décadence, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se réfère au passé, c'est pour dire que le présent est décadent. Oui, je pense qu'effectivement, alors là aussi c'est complexe, parce que si on parle du rapport à la science, certains ont pu dire que Lovecraft détestait la science, etc., que la science était dangereuse. Bon, c'est vrai, et en même temps il est totalement fasciné par la science, il appartient un petit... Enfin, il publie des articles sur l'astronomie dans sa jeunesse, quand il a une vingtaine d'années. Il s'intéresse énormément aux sciences physiques, mais aussi à l'anthropologie, à la chimie. Et donc, toutes ces nouvelles sont parsemées de ce qu'on pourrait appeler d'un métadiscours scientifique et qui donne justement un très grand réalisme à ces histoires. C'est-à-dire ces histoires fantastiques sont ancrées dans un réalisme très fort à certains égards. Par exemple, dans Les Montagnes Hallucinées, quand il décrit la découverte de la ville souterraine, quand on trouve des échantillons d'abord géologiques, des fresques, biologiques, des fresques, etc. Sur lesquels on peut tous les aspects. Étudier, qu'on peut étudier. Oui, c'est ça. Mais d'abord, on trouve des fossiles et il décrit des exemples de fossiles. Et il utilise des noms de fossiles réels. Un peu comme Verne le fait dans ses romans où il fait des longues listes de termes. Lovecraft utilise aussi cette nomenclature pour justement créer un vraisemblable. Donc ça, si vous voulez, son rapport à la science est donc complexe. On ne peut pas le réduire à une haine ou une détestation de la science, comme on ne peut pas le réduire à une détestation de la modernité. Et si on remonte encore dans le passé, oui. Il y a les villes sous les mers, il y a l'Atlantide, absolument, dans le mythe de Cthulhu, il y a aussi une ville qui est... enfin, je ne sais pas si c'est une ville d'ailleurs. C'est la ville de Rillié, ouais. C'est une ville qui est enfouie dans les profondeurs, qui est une sorte d'Atlantide effectivement, qui ressurgit à la faveur d'un cataclysme. Mais on trouve déjà ça dans une nouvelle antérieure qui est Dagon de 1920. Écoutez toujours la compagnie des auteurs et nous parlons de Lovecraft avec Gilles Ménégaldo. Gilles Ménégaldo, la France a été importante dans la réception mondiale de Lovecraft. La France a compris, peut-être plus tôt que même les États-Unis, l'importance de cet écrivain. Alors oui et non, je dirais. Bon, c'est un peu comme ça s'est passé pour Poe. Baudelaire, évidemment, a été celui qui est le passeur, en quelque sorte, entre la France et l'univers de Poe et la fiction de Poe, et Mallarmé aussi. Mais disons dans le bon sens du terme, à certains égards, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris l'univers de Poe. Les traductions de Baudelaire sont pas parfaites, mais quand même, ça donne une bonne idée de son univers, de son écriture. Dans le cas de Lovecraft, ça c'est effectivement des auteurs importants. Notamment dans la mouvance surréaliste comme Robert Benayoun ou d'autres ont fait connaître Lovecraft de manière tout à fait intéressante. Mais pas que les surréalistes. Mais hein. Justement, pas que les surréalistes, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a eu ça, mais il y a eu aussi une sorte de déviation par une mauvaise lecture des textes de Lovecraft dont on a fait une sorte de prophète, d'occultiste, d'ésotériste, alors qu'il utilise l'ésotérisme comme matériau pour son écriture, mais évidemment c'est un rationaliste pragmatique. Donc il ne croit pas du tout à ce qu'il écrit. Non, absolument pas. Et donc, il y a alors eu. Alors que ses lecteurs, oui. Bien sûr. Alors, les lecteurs, c'est compliqué. Il y a aussi différents types de lecteurs. Mais disons, bon, Le Matin des Magiciens, par exemple, a évoqué Lovecraft. Hein. Powell et Berger ont beaucoup évoqué Lovecraft. Et ils ont compris certaines choses de Lovecraft, mais ils ont eu tendance à en faire, justement, à aller du côté de l'irrationalité de Lovecraft ou de sa propension à croire dans ces créatures. Alors qu'il suffit de lire la correspondance pour s'apercevoir que Lovecraft a un certain humour, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Qui se moque par exemple d'un écrivain qui est un de ses amis, Robert Bloch, qu'il appelle Robert Blake dans The Whisperer, dans The Haunter of the Dark, qui d'ailleurs fait d'une église tout à fait banale le lieu où se tapit une entité qui est Nyarlathotep. Donc voilà, c'est une manière de d'oniriser effectivement une église standard et d'en faire une église évangéliste ou baptiste, je ne sais plus, et d'en faire un lieu d'épouvante. Donc voilà, et Robert Bloch est justement cet écrivain qui est confronté à cette créature. Et et qui littéralement meurt ou risque de mourir de terreur. On peut pas. Donc la réception française est passée par en partie ces écrits-là. Serge Hutin, par exemple, j'ai rien contre Serge Hutin, mais il fait de Lovecraft quelqu'un qui connaîtrait des secrets ésotériques ou occultistes. Lovecraft a lu, il a une certaine connaissance, disons, vulgarisée de l'ésotérisme et de l'occultisme occidental, et il cite effectivement un certain nombre d'auteurs réels, Flood, etc., des alchimistes, et qu'il mélange avec des auteurs imaginaires. C'est ce que fait déjà Poe, hein, il utilise un peu la même stratégie. Mais jamais Lovecraft n'exprime la moindre croyance vis-à-vis de ses créations. Il est même plutôt gêné quand ses lecteurs lui écrivent pour lui demander où est-ce qu'on peut trouver le Necronomicon, oui. Et ça l'embête vraiment, parce qu'il se dit qu'il induit en erreur ses lecteurs. Oui, tout à fait. Alors il essaye de répondre en disant que c'est une création imaginaire. Il parle de ses yoxototri, c'est-à-dire on voit bien qu'il se moque de ses propres créatures à certains égards. Et ce panthéon dont on a parlé, en fait, bien sûr, il continue maintenant, mais il s'est construit du vivant de Lovecraft, c'est-à-dire que les écrivains proches de Lovecraft comme Clark Ashton Smith ou Robert Howard, le fameux auteur de Conan, ont écrit des histoires où ils inventent à leur tour des divinités, et ces divinités s'inscrivent dans le panthéon de Lovecraft. Donc c'est une sorte par un processus d'accrétion, d'accumulation, ça constitue effectivement un univers. Il est vraiment une matrice pour d'autres écrivains. Mais alors le problème, c'est plutôt aux États-Unis, alors du coup, pas en France. En France, un peu moins, mais il y a eu quand même des écrivains qui se sont inspirés de Lovecraft, qui ont fait des pastiches Lovecraftien, des choses comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un autre malentendu avec, américain cette fois, avec l'un de ses amis, Auguste Derleff, qui a fait du panthéon Lovecraftien, justement, de sa mythologie Lovecraftienne, qui a édité Lovecraft, donc on lui doit beaucoup à cause de ça, et c'est aussi un auteur tout à fait estimable, mais il a eu tort de vouloir prolonger les textes de Lovecraft, et surtout, il y a une fameuse phrase qui court partout, qui est de Derleff, donc il dit selon Lovecraft, toutes ses récits serait constitué d'une sorte de légende ou de mythologie, effectivement, autour de créatures extraterrestres, en même temps plus ou moins de divinités, qui ont été expulsées de la Terre, donc démoniaques, et qui risquent de revenir. Autrement dit, il fait une sorte de panthéon démoniaque, ça ne veut pas du tout Lovecraft, donc il ne veut pas du tout faire une sorte d'allégorie de ces créatures. Très rapidement, Michel Houellebecq, qui est en 1991, alors qu'il n'est absolument pas célèbre, se fait connaître, en publiant un essai, qui n'est pas un essai très universitaire, mais enfin tout de même, sur Lovecraft. Hein. Oui, Lovecraft contre la vie, je crois, l'un des sous-titres en tout cas. Oui, alors Houellebecq insiste beaucoup sur la dimension biographique, justement, et sur le fait que Lovecraft, disons qu'il y a une sorte de haine de l'humanité, selon lui, qui s'exprimerait dans ses textes, donc par justement les créatures monstrueuses, épouvantables, etc. Mais ce qui fascine le Houellebecq, je crois que c'est cet imaginaire démesuré, hyperbolique de Lovecraft. Et donc il insiste beaucoup là-dessus. Donc d'une part, il essaye d'expliquer ça aussi par la biographie, par le côté reclus de Providence. Là aussi, c'est un petit peu je dirais pas un mythe, mais en tout cas une légende, puisque Lovecraft a quand même voyagé pas mal. Il est allé au Québec, et d'ailleurs il parle beaucoup de son voyage au Québec, mais il est allé en Louisiane. Non, je veux dire qu'il a voyagé, il n'est pas resté toute sa vie reclus dans sa maison, c'est ce que je veux dire. Il est allé à New York, il est revenu, etc. Donc il avait beaucoup d'amis, il avait une correspondance très importante, il voyait aussi des gens. Donc il aimait bien manger des glaces à des crèmes glacées. Oui, bon, il en parle pas beaucoup dans ses livres, ça, des crèmes glacées. Il n'est pas aussi épouvantable qu'on a pu le dire. Et Houellebecq insiste sur cet aspect-là, mais il capte très très bien la force de l'imaginaire Lovecraftien, surtout de son écriture, donc hyperbolique, et donc très adjectivale, et effectivement qui crée une sorte de vertige, en fait. On va continuer, Gilles Ménégaldo, de parler de Lovecraft avec vous, mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. Et nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes lecteur, vous, de Lovecraft? Je l'ai été. Je dois dire, je ne le suis plus, mais pas par rejet, mais... Parce que vous avez déjà tout lu. Voilà. Mais Lovecraft a appartenu au... C'est ma petite Madeleine psychédélique des années 70 quand j'étais lycéen. Lovecraft faisait partie avec d'autres, Edgar Poe dont on a parlé. C'était vraiment un personnage qui appartenait à cette. Mais d'ailleurs, je me demande s'il n'est pas présent sur la pochette de l'album des Beatles archi célèbre Sgt. Pepper. Il faudrait vérifier. J'en suis pas sûr. Quand vous étiez lycéen et aussi rocker, parce que vous aviez un groupe de rock à l'époque. Oui, j'avais organisé un groupe de rock et d'ailleurs, je dois dire que j'avais trouvé. On cherchait un titre, un nom pour le groupe, et j'avais été le chercher dans Démons et Merveilles de Lovecraft, et c'était Yog Sothoth. Alors, Yog Sothoth, bah évidemment, très Lovecraftien. La NRF, puisque c'est quand même de ça que vous êtes venu nous parler. Oh, un petit peu démoniaque quand même. En vente donc depuis le 19 mai dernier, elle s'ouvre cette NRF sur votre éditorial et vous vous interrogez sur la question de la relève littéraire d'aujourd'hui sous le titre « Qui veut la place de Philip Roth ?» Oui, Philip Roth incarnait quelque chose. Il se résumait pas à sa seule œuvre et donc ça m'intéressait de scruter un peu ça. Et qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que pour vous la relève est là et est-ce qu'elle est plutôt aux États-Unis, plutôt en France ou est-ce que la littérature maintenant n'a plus de frontières? Ce que j'en retire, c'est que aux États-Unis, c'est évident que le roman américain a une très grande vitalité qui n'est pas toujours si extraordinairement novatrice qu'on le dit. Je suis frappé par l'obsessionnelle référence à Dickens quand on présente un écrivain américain, comme encore récemment avec Franzen. On parle tout de suite, on invoque tout de suite le modèle Dickens. Dieu sait que j'adore Dickens, mais enfin, c'est pas le novateur par excellence. Quant à la France, alors là, en revanche, c'est un peu invisible à l'œil nu. Il faut être un peu curieux, mais il y a une très très étonnante, un très étonnant bouillonnement créateur littéraire. Allez, un nom ou deux. François Maton, qui est un auteur publié chez POL, et dont j'ai lu cet hiver, dans l'Enchantement, un livre qui s'appelle Oreille rouge et son maître, où François Maton, par des dialogues très facétieux, très très très drôles, très aigus et en même temps très profonds, renouvelle complètement une tradition littéraire très française, qui est celle des fourberies de Scapin et de Diderot. On n'est pas du tout dans l'imitation mimétique. Enfin, c'est très très original, mais on voit bien d'où ça vient. Et on voit bien en quoi il y a une chimie française, là, je le dis vraiment sans aucune espèce de chauvinisme, enfin, mais c'est évident qu'il y a une source, là. Alors, également dans la Revue Française, un article que Maxime Caron, Péros. Oui, alors j'étais très très heureux de publier ce texte de Maxime Caron sur un auteur un peu oublié, qui a été aussi une des figures de la NRF, et particulièrement de cette collection qui s'est arrêtée depuis, qui avait été fondée par Georges Lambrix, Le Chemin, qui a publié beaucoup d'auteurs. Et Péros, on retient de Péros trois volumes, qui s'appellent Les Papiers Collés, volume 1, 2, 3, qui sont des notes, des réflexions, des méditations, toutes sortes de développements comme ça, un peu sauvages, un peu hirsutes, et très très saisissants, très aigus, très très forts. Péros vivait en Bretagne, était tout à fait retiré, mais on faisait le pèlerinage. Il était à Douarnenez, je crois, dans un endroit très très breton et très loin de Paris, mais il était très reconnu en même temps à Paris. Et il y a énormément de témoignages de visites de Butor, Jean Edernallier à l'époque où Jean Edernallier était quasiment en culotte courte, enfin, qui venait le voir. Et donc on le réédite, et j'étais très content. On réédite Les Papiers Collés dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard, et ce texte de Maxime Caron venait à point nommé. Réveiller la mémoire de Péros. Eh bien, tout cela et bien plus encore, évidemment, dans la NRF actuellement en librairie. Merci beaucoup, Michel Crépu. C'est moi. Thank you. Toujours la compagnie des auteurs, comme vous avez raison. Nous parlons de l'écrivain fantastique Lovecraft et nous le faisons avec Gilles Menegado. Superbe lit, n'est-ce pas? Alors, de quoi étions-nous en train de parler? Nous étions en train de parler de l'effet qu'a eu cette maison sur votre jeune Claire. Oui, on la dirait vraiment sortie tout droit d'un conte gothique. Qui est-ce? Vous devriez la connaître. C'est Emma de la Pour, votre tante. Elle est morte très jeune, de manière tragique. Elle s'est noyée au cours d'un naufrage. Toutes les légendes à propos de votre maison remontent d'ailleurs à cette époque. Jethro de la Pour n'a pas pu s'en remettre. Il l'a suivi dans le caveau quelques jours après la tragédie. Comment est-il mort? On l'a retrouvé mort sous le balcon, d'après ce que j'ai entendu. Un extrait du film d'horreur Necronomicon de 1993, ou plutôt des films, car il s'agit en réalité de trois courts-métrages, Christopher Gantz, Shusuke Kenako et Brian Yuzma, pour évoquer le rapport de Lovecraft avec le cinéma. Gilles Menegaldo, Lovecraft qui n'était pas tellement de son temps un cinéphile. Non, c'était pas un cinéphile. Apparemment, il aimait Charlie Chaplin, mais il n'aimait pas du tout les films d'horreur justement des années 30. Il trouvait Dracula long et théâtral, par exemple, film de Todd Browning. Par contre, il a été fasciné par le Métropolis de Fritz Lang. Qu'est-ce qui l'en rapproche? Parce que le Métropolis, c'est justement cette dimension de la ville, oui, gigantesque, cette dimension aussi futuriste, évidemment. Ça, c'est la ville onirique? Ça serait plutôt la ville réelle, futuriste, en quelque sorte, et non pas onirique. Mais par contre, la ville onirique, effectivement, chez Lovecraft, c'est toujours le signe du pouvoir du rêveur. Contrairement à la ville archéologique qui inscrit l'homme dans une histoire qui le dépasse totalement, où il n'est qu'un incident insignifiant, la ville onirique au contraire témoigne de la force imaginative du rêveur. C'est le cas de Randolph Carter, par exemple. Le rêve, c'est le pouvoir, mais évidemment le rêve, c'est aussi souvent associé à la mort, parce que le rêveur, par exemple chez Dunsany, qui est un des grands maîtres de Lovecraft et de la fantasy, bien sûr, le rêveur couranès meurt, et il crée des villes imaginaires mais il meurt. Donc le pouvoir peut être très important dans le monde onirique, mais par contre pas dans le monde réel. Donc Lovecraft n'a pas tellement été au cinéma. En revanche, les cinéastes, les gens de l'image en fait, ouais, se sont vraiment emparés de Lovecraft. Alors ils se sont emparés de Lovecraft finalement relativement tard, puisque il n'y a pas de films connus avant les années 60. Donc c'est quand même fin des années 50, début des années 60. Et pour quelle raison vous l'expliquez ça? Alors oui, je crois que Lovecraft a fait un peu peur, peut-être parce que justement à cause de cette hyperbole descriptive. Comment rendre compte de l'informe, du multiforme? Oui, parce que justement, lui, il préfère ne pas dire. Voilà. Il préfère dire « Ah, j'ai vu cette chose affreuse » plutôt que de la décrire. Donc pour les cinéastes, c'est compliqué. Ça, c'est aussi, excusez-moi, une sorte de tarte à la crème. Lovecraft décrit énormément, hein, mais il décrit surtout l'impuissance du langage à véritablement rendre compte. Donc il y a énormément de descriptions extrêmement précises parfois, des créatures tentaculaires, mi-animales, mi-végétales, etc. Donc il y a énormément de détails. Mais en même temps, il y a toujours cette idée de l'hyperbole, de la prétérition, de la pseudo-prétérition. Ah, je ne peux pas dire. Donc, des limites du langage. Donc, c'est les deux à la fois. Voilà, c'est les deux à la fois. Et il joue sur sur les deux tendances, en fait, sur l'hyperbolisme et en même temps sur la rétention d'informations, la suggestion, effectivement. Alors, ce qui fait que pour le cinéaste, ce n'est pas du tout facile de mettre ça en scène. Et pour d'autres raisons, donc, qui ont été signalées déjà, mais par exemple, l'absence pratiquement totale, à part une sorcière et une femme dégénérée, albinos, de personnages féminins. Donc, la plupart des récits, des films d'horreur, par exemple, des années 30, il y a toujours une intrigue sentimentale, il y a toujours une relation entre une créature monstrueuse et un personnage féminin, etc. Donc, il manque ça. Et on pouvait des nouvelles très courtes, voilà. On pouvait pas changer. Si. Alors, justement, la plupart du temps, on change le scénario. C'est le cas de la nouvelle, de l'extrait dont on vient de passer, qui est en fait une adaptation des Rats dans les murs, où on ajoute une fiancée, à la fois à l'aïeul, donc qui perd sa femme et sa fille dans un naufrage et qui donc veut les ressusciter à l'aide du Necronomicon, et puis du descendant, donc Walter Delaporte, qui arrive dans cette maison, donc c'est une agente immobilière qui lui présente, et qui lui aussi va utiliser le Necronomicon pour ressusciter sa fiancée. Donc on est beaucoup plus dans l'esprit poésque de Ligeia, c'est-à-dire de la femme morte aimée, et donc on veut faire revenir, donc une sorte de poétique du revenir, comme le dit Alan Sixous, que dans l'aspect lovecraftien. Autrement dit, les scénarios sont considérablement changés en général quand il s'agit d'adapter Lovecraft, à quelques exceptions près, qui sont les films par exemple qui sont produits par la société historique Historical Society d'H.P. Lovecraft, où là, au contraire, on essaye de rester de coller au texte, de faire une sorte de version illustrative de ces textes. Donc, il y a quand même ce Necronomicon, dont on a entendu des extraits. Pour vous, c'est quoi ? C'est une série B, un petit peu ? C'est un peu une série B, assez fauchée, comme le dit Christophe Gans lui-même, avec des effets spéciaux assez minables, parce qu'à l'époque, on fait ce qu'on peut. Mais en fait, Christophe Gans est beaucoup plus inspiré par les films de Corman, justement, inspiré d'Edgar Poe, et des films de fantômes japonais que de l'esthétique lovecraftienne. Donc il n'est pas du coup dans la mouvance expressionniste. De la même manière, le Corman, le palais hanté de Corman, qui est donc Haunted Palace, qui est en fait le titre d'un poème de la chute de la maison chère de Poe. Donc on a vendu Lovecraft grâce à Poe, en quelque sorte. Mais le film est à la fois poésque. C'est un film de 1963 avec Vincent Price, donc, qui est connu à cause de la chute de la maison chère de Corman, justement. Donc Corman retrouve la même équipe pour les films poésques, et on a une ambiance poésque beaucoup plus qu'une ambiance lovecraftienne. Mais la nouvelle adaptée n'est pas une nouvelle de Poe, c'est bien la nouvelle de Lovecraft, ou le roman de Lovecraft, donc le cas de Charles Dexter Ward. C'est cette nouvelle sur, justement, les sorcières de Salem. Voilà, c'est ça. C'est l'histoire d'un sorcier qui vient investir l'esprit de son descendant grâce en particulier à un portrait animé. Et ce portrait animé, évidemment, c'est un motif classique de la littérature fantastique. Ça, c'est un bon film, vous le conseillez, celui-là ? Ah oui, c'est un bon film, et Vincent Price est excellent. Mais effectivement, c'est un film qui doit autant à Poe qu'à Lovecraft. C'est ça qui est un peu trompeur pour le spectateur. Mais je crois que c'était vraiment un des premiers bons films sur Lovecraft. I know you think this is a joke. Just listen to me for a second, please. What if Kane's work isn't fiction? Oh, for Christ's sake. This is reality. Hear that? Reality. Now, what you're saying is true. There should be, out that window, a black Byzantine church with 250-foot spires with gold onions on the top. Now look! You see? Reality. You didn't read closely enough. The view was from the east. Alors, Gilles Ménégaldo, celui qui a peut-être popularisé aussi Lovecraft dans ses films, c'est évidemment John Carpenter. Oui, tout à fait. Juste un mot quand même pour parler de Stuart Gordon, qui est quand même un important adaptateur de Lovecraft, avec Reanimator, par exemple, mais aussi plus récemment avec Dagon et Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Donc, il y a toute une... disons que c'est un des grands... adaptateur de Lovecraft. Il l'adapte différemment des autres ? Il l'adapte de manière justement relativement entre guillemets fidèle, c'est-à-dire assez proche de l'original. Il essaye de coller notamment dans les deux derniers, dans Dagon, même si c'est transposé en Espagne, etc. Mais il ajoute évidemment des éléments, il ajoute en particulier des personnages féminins qui ne sont pas dans l'original. Alors pour revenir à Carpenter, je crois que Carpenter... C'était l'antre de la folie qu'on entendait à l'instant. On entendait l'antre de la folie, le moment où on découvre l'église, effectivement, où se trouve le personnage de l'écrivain Sutter Kane. qui est une sorte de disciple justement des entités, qui est au service de ces entités lovecraftiennes, entre guillemets, puisqu'il y a un hommage très appuyé de Carpenter à Lovecraft. Mais cette référence, enfin cet intérêt de Carpenter pour Lovecraft est très ancien. Ça commence avec The Thing déjà, qui est très inspiré 1982. Voilà, exactement, où c'est l'histoire d'une entité qui vient de l'espace justement et qui vient contaminer un groupe d'explorateurs dans une base scientifique au pôle Nord. Et donc cette immensité blanche, cette dimension sublime qu'on a dans les textes de Lovecraft dans les montagnes hallucinées, on la retrouve dans le film de Carpenter, notamment avec la scène du début sur l'espace de la banquise. Et donc dans Prince of Darkness, on a également l'idée d'une entité qui vient d'ailleurs, une sorte d'antidieu, comme le dit Carpenter, qui est dans un liquide, dans une sorte de cylindre liquide verdâtre, qui coule de bas en haut et non pas de haut en bas, donc qui défie les lois de la physique. Et puis bien sûr l'antre de la folie, qui est un hommage appuyé à Lovecraft, mais aussi une référence à Stephen King, et où on a évidemment cette présence des entités, cette présence du livre qui rend fou. Donc qui littéralise le Necronomicon, qui rend fou effectivement, même s'il s'appelle pas le Necronomicon, et puis qui multiplie les références. On va dire que c'est le livre mythique. Voilà, c'est le Necronomicon est le livre mythique de Lovecraft qui n'existe pas, de l'arabe Abul al-Azred, qui n'existe évidemment pas, mais dont on a fait de multiples pastiches. Il y a des gens effectivement qui continuent à chercher le Necronomicon, puis il y en a qui collectionnent les faux Necronomicon, mais ça c'est autre chose. En tout cas, donc l'idée c'est que par le livre on contamine le lecteur littéralement, c'est-à-dire qu'on lui fait sentir des symptômes physiologiques, les yeux saignent par exemple, et donc les gens deviennent fous par la lecture. Et donc c'est une manière pour celui qui est l'émissaire donc des puissances extérieures, des entités démoniaques, qui correspondraient à ce que Lovecraft appelle justement Nyarlathotep, etc., qui vont pouvoir reprendre possession de la Terre en éliminant les humains. Et en fait c'est un peu ça l'un des grands thèmes lovecraftiens, c'est comment l'humain va redevenir ce qui n'a jamais cessé d'être, c'est-à-dire un épiphénomène dans l'histoire du cosmos. Et donc le livre, l'écrivain, l'artiste fait le lien entre ces entités mystérieuses et la réalité sur Terre. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'écrivain, comme le dit Lovecraft, c'est un passeur. L'artiste est un passeur. C'est quelqu'un qui, dans ses rêves, justement, dans son imaginaire, permet de passer à une autre dimension. Qu'elle soit d'ailleurs la quatrième dimension, comme dans La Maison de la Sorcière, ou ici, dans L'Antre de la Folie, où la littérature ouvre sur un autre imaginaire. Mais même l'écrivain lui-même devient un être de papier, puisqu'à un moment donné, il déchire son visage, et derrière, il y a rien, il n'y a que le vide. Donc c'est une illusion aussi. En même temps, c'est à la fois une sorte de prophète, effectivement, comme certains grands prêtres lovecraftiens, oniriques lovecraftiens, mais en même temps, c'est une illusion textuelle, littéralement. Et le film de Carpenter est aussi un film qui joue bien sûr sur la réflexivité, c'est-à-dire qui met en scène le dispositif même du texte et de l'image et du film, puisqu'on termine le film sur le personnage de Trent, donc l'enquêteur rationaliste, qui devient fou en regardant les images du film où il était déjà inscrit en quelque sorte. Très rapidement pour conclure, Gilles Menegaldo, est-ce que le style Lovecraft, les histoires Lovecraft, ce que lui a apporté à la littérature a pu changer aussi la manière dont on a raconté au cinéma des histoires fantastiques ou des récits d'horreur? Alors, je pense qu'on a tendance à part Carpenter, et je pense que les meilleurs films sont les films justement qui ne sont pas des adaptations lovecraftiennes, mais qui sont des reprises de motifs, de réécriture, etc., qui sont inspirés, et Carpenter est un très bon exemple pour ça. Dans Ghost of Mars, on a aussi référence à des entités qui sont réveillées par erreur et qui vont envahir donc une planète. Je pense que Lovecraft a disséminé, disons, tous ces thèmes dans la littérature, mais aussi dans la bande dessinée. Alan Moore, par exemple, Néonomicon, dont le titre est une reprise de Necronomicon, évidemment. Je ne sais pas s'il a véritablement créé une école au sens où ou certains écrivains ou une esthétique particulière. C'est plutôt un ensemble de motifs assez diversifiés qui peuvent être des motifs architecturaux, des personnages, des créatures, évidemment. Et on a tendance toujours à revenir dans la plupart des adaptations cinématographiques à la version occultiste ou ésotériste qui est en partie un contresens. Merci beaucoup, Gilles Menegaldo. Holy, holy, holy. c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Et ce sont des poésies arabes que Jacques Bonafé vous propose d'entendre jusqu'à demain. Bonjour, cette semaine nous écoutons la poésie arabe sous la très haute protection de René Kawam, qui a fait la préface passionnante de ce livre chez Libretto. Nous écoutons aujourd'hui les impératifs poèmes de la 16 de Mahari, publié en édition bilingue chez Simbad Actes Sud. Notre vie est un pont jeté entre deux morts. D'un néant l'autre, allons, qui passe le pont se fait tort. Eussé-je été un chien que j'aurais pris pitié de mes chiots s'ils souffraient ce que souffrent les hommes. Les vivants répandus dans l'univers, en somme, ne forment qu'une espèce aux mille variétés. Maudite soit l'espèce et sa modernité. Extrait de la préface, il faut expirer, puis inspirer encore. La chaleur opaque pèse sur les membres, mais la nuit n'offrira aucun répit. Nul changement à vue sinon d'autres formes de ténèbres. L'aveugle Mahari essuie d'une main sa sueur, écarte une mouche qui bourdonne, il écoute bruire le silence de son logis, ce silence imparfait que mine une sourde rumeur continue, puis respire encore. Expiration après expiration. J'ai épuisé toute mon existence en divisant la journée en sections, en fractionnant le mois puis la saison. J'ai parcouru à force la distance, comme un marcheur avance à petits pas, le souffle court avec son cœur qui bat, comme au versant d'un monticule immense, une fourmi progresse avec constance jusqu'à laisser le tout derrière soi. L'exercice de la poésie n'est pas un divertissement distingué, ni une charge rémunérée par un puissant. Il n'apporte ni consolation, ni gloire. Le poète solitaire, cloîtré dans son logis, s'astreint jour après jour à des exercices spirituels qui ne regardent personne. Dis-moi, ceux qui, du fond de leur mihrab, nous mortifient à grands coups de versets, sont-ils si loin des chanteurs exercés qui vont beuglant au bouge, au bout des tables, l'un prie en vue de duper son prochain, l'autre abandonne à escient la prière? Qui du dévot ou de l'âme trop fière sera plus cher à l'être souverain? Ainsi, laissez là tout orgueil, vous qui serez peut-être un peu d'argile, qui reviendrez à cet élément vil qu'un bras puissant pétrit sans qu'il le veuille. Quittons la poésie deux secondes pour s'amuser, il faut se détendre. Tout l'après-midi, Nasreddin s'est promené en compagnie des deux notables de la ville, l'imam et le cadi, mais l'heure est venue de se séparer. « Tu es vraiment un homme surprenant, remarque l'imam. Parfois on dirait que tu es filou, capable de duper n'importe qui, puis quelques instants après on croirait qu'on a affaire à un imbécile. Allons Nasreddin, alors sois franc pour une fois, fait le juge. Qui es-tu en réalité, hein? Un escroc ou un idiot ?» Eh, ça dépend, répond le Hodja, mais ce que je peux vous dire, chers amis, c'est qu'en ce moment, je suis juste entre les deux. Autrefois, à la mémoire des poètes, on élevait des statues en or. Chez nous, par charité musulmane, on leur creuse des tombes et nos poètes, la bouche pleine de terre, continuent de crier. Poème algérien. Profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Jacques Bonafé qui lisait divers poètes arabes dans la compagnie des auteurs au terme d'une troisième émission consacrée à Howard Phillips Lovecraft. Merci à Gilles Ménégaldo, universitaire à Poitiers, grand spécialiste de l'écrivain américain. J'envoie à votre article dans la revue Europe, en ce moment en kiosque, consacré aux rêveurs de Providence. Et vous travaillez également sur un livre à paraître aux éditions du Visage Vert. Il concernera Lovecraft et l'illustration, parution en 2016. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou directement sur le site internet de France Culture en attendant demain et un numéro consacré en particulier aux mythologies lovecraftiennes dont fait partie bien entendu le mythe de Cthulhu. N'oubliez pas non plus de nous retrouver sur Twitter et Facebook. Sur Twitter, il convient de nous chercher en tapant le mot-clé Compagnie des auteurs, Compagnie CIE. Cette émission était réalisée par David Jakubowicz. À la console, il y avait Philippe Palares. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.